Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de la séance qui va être plus brève et qui va surtout être l'occasion maintenant de voir un certain nombre d'extraits. Et on va évidemment garder du temps pour les questions et que chacun, chacune puissiez interroger nos invités. Je vais tout de suite redonner la parole à Marie-Thérèse Martinelli. Nous n'allons malheureusement pas pouvoir encore donc montrer d'extraits de vos films, mais pour que vous nous précisiez quels étaient vos terrains d'intervention, puisque vous n'avez fait que les effleurer pour l'instant. Voilà. Oui, alors tout à l'heure j'ai oublié, mais je pense que je vous m'ai donné l'occasion de le dire à nouveau, enfin de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que moi, quand vous m'avez contactée, j'ai été très émue que quelqu'un se préoccupe et soit intéressé par ce travail que nous avions fait. Parce qu'effectivement, pour nous, c'était un travail très local. D'ailleurs, vous me demandiez au téléphone si on avait fait appel à mon œil pour la diffusion. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de mal à laisser partir les vidéos en dehors d'une diffusion par nous-mêmes ou par les gens qui avaient filmé. Donc on avait cette impression qu'il fallait les accompagner, comme si c'était des enfants qui ne pouvaient pas grandir tout seuls. Et donc, effectivement, je n'avais pas imaginé, d'abord parce que comme on se vivait militant, pas du tout professionnel, on n'avait jamais eu cette volonté de professionnalisme, on avait l'impression que ça n'avait que la valeur immédiate, que cette valeur qui avait servi à mobiliser, à informer sur les luttes, mais on n'avait pas l'impression qu'on travaillait pour l'histoire. En fait, je pense que c'est un manque de vision du futur, probablement, mais maintenant je me rends compte combien on a manqué de clairvoyance, parce qu'on a en fait gardé que les bandes vidéo et le matériel, et il me reste très peu d'images, il me reste très peu de documents écrits. Or, au fur et à mesure que les uns et les autres parlent, je me souviens de beaucoup de choses dont je n'ai pas retrouvé les traces. Voilà. Donc ça, c'était à dire, parce que je vous remercie beaucoup tous, parce que je trouve que c'est magnifique cette reconnaissance que vous avez de ce que nous avons été dans ces années 70, et effectivement, nous étions des pionniers vraiment qui découvrions beaucoup de choses, quoi. Hein, voilà. Je crois que c'était un moment très enthousiasmant aussi pour nous, et le fait qu'aujourd'hui des plus jeunes se préoccupent de ce que nous, c'est la génération de 68 en gros, hein, nous avons fait, pour moi c'est vraiment quelque chose de très, très émotionnel. Voilà. Alors sur nos modes d'intervention, c'est vrai que je n'ai fait que les effleurer. Donc nous avons beaucoup travaillé sur les luttes ouvrières, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Bon, majoritairement autour de la CFDT, donc nous, mais en précisant bien que c'était la CFDT de ce moment-là, donc une CFDT extrêmement active dans les luttes et puis aussi extrêmement autogestionnaire et laissant beaucoup d'autonomie aux sections. Et entre autres, je vous ai cherché les photos, je ne les ai pas retrouvées, mais je sais qu'elles sont quelque part. Il y a une grève de femmes qui était la fin de l'industrie de l'habillement dans ma région, parce que dans la région Méditerranée, on a eu énormément d'industries de l'habillement, que ce soit les cuirs ou que du côté de Mazamé ou que ce soit la confection. Et il y avait une usine qui s'appelait Bergès, du nom de son patron, et les ouvrières, puisqu'il n'y avait que des ouvrières. Après, il y avait un cadre ou deux, le fils, le gendre et la famille. Mais sinon, c'était que des ouvrières, avaient trouvé le slogan « Berger sans nous, tu es un homme sans pantalon ». Parce qu'effectivement, c'est... Et alors, ce qui était très exceptionnel dans cette... Enfin, exceptionnel, très, très, très particulier dans cette lutte, c'est que le patron est sorti avec des fusils contre les ouvrières. Et ça, j'en ai des photos, mais je ne les ai pas retrouvées. Donc, il faut que je vous les retrouve, parce que c'était vraiment très important de voir comment il avait traité la lutte des ouvrières. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, partant de Paris, arrivant à Toulouse, j'ai été une année sans travail parce que j'avais démissionné de mon poste d'éducation nationale à Paris, dans la région parisienne, et j'avais pas attendu une mutation, c'était trop long, je voulais partir tout de suite, bon bref, peu importe. Le fait est que pendant cette période où j'ai été sans travail, quelques mois, ça n'a pas été une année complète, j'étais un peu celle qui allait à toutes les grèves, qui allait, et j'ai beaucoup, beaucoup filmé avec les ouvrières, avec les ouvriers, les grèves. La bande que vous avez sur la SNIAS, c'était, donc c'était, ça s'est appelé après Aérospatiale, puis maintenant ça s'appelle EADS, qui se sont fusionnés avec Airbus. C'était comment on peut dire ça, ils ont retenu le directeur des ressources humaines dans une salle, et ça a duré presque une nuit. La police est intervenue au milieu de la nuit. Et j'étais donc la seule à pouvoir rentrer avec ma voiture, parce que le matériel était très lourd. Hein. Comme les autres copains étaient des ingénieurs de la SNER, ça ne pouvait pas être eux, ça ne pouvait être que moi, puisque d'après, sur les femmes qui étaient dans ce groupe-là, j'étais la seule à maîtriser à ce moment-là la caméra, après tout le monde s'y est mis. Donc je suis allée filmer, et les directeurs d'Airbus de la SNIAS à l'époque disait, mais qui c'est celle-là, c'est une journaliste, et les syndicalistes prétendaient ne pas savoir, parce qu'ils ne voulaient pas que ça se découvre qui j'étais, quoi. Donc ça a été un film qui a été beaucoup diffusé dans les usines, donc voilà, ça c'était un de nos axes de travail extrêmement fort, hein, le travail avec le mouvement ouvrier, ses luttes et la diffusion le plus rapidement possible. Parfois, on diffusait d'abord les rushs, quelques morceaux de rush, et on faisait les montages après pour pérenniser le travail. Donc, on a aussi beaucoup travaillé à travers ces documents. On travaillait dans les sessions de formation syndicale. À ce moment-là, moi, je venais sur Paris assez souvent pour apporter ce travail et montrer à d'autres syndicalistes comment ils auraient pu s'approprier l'outil vidéo. Donc, ça servait également à une réflexion auprès des syndicalistes, des cadres syndicalistes, pour qu'ils s'habituent, ils prennent en main l'outil vidéo dans chacune de leurs régions. Après, je vous ai parlé tout à l'heure, notre mode d'intervention, c'était les vidéotracts. Ce qu'on appelait les vidéotracts, c'était des très courts extraits que l'on diffusait immédiatement de façon à ce que tout le monde soit informé. Là, ça avait une fonction d'information immédiate, presque un peu comme les journalistes à la télé vous passent immédiatement l'information qui se passe. Ensuite, on a dans les champs d'intervention... On a aussi eu beaucoup d'interventions au niveau des questions économiques. On a travaillé sur l'inflation. Et là, on s'est adjoint des universitaires. Et donc, on travaillait à la fois sur l'inflation, c'était le monde rural et le monde urbain. On était comme vous, c'était la période, je crois qu'on était tous un peu dans cette problématique de comment lier la vie à la campagne et la vie à la ville. L'urbain et le rural. Et donc, dans ce film sur l'inflation, il me semble que je vous en ai donné une copie, Hélène, je ne sais plus. Là, non, dans le... Oui, peut-être. Ah, c'est possible. C'est possible que je vous en ai donné une. Mais en tout cas, j'en ai. C'est de la surprise. C'est Noël après Noël. Voilà. Si je ne l'ai pas apporté, je l'ai. Je vous la donnerai. Donc, c'était la parole des gens qui vivaient, le monde ouvrier, le monde paysan, là, dans ce cas-là, et des spécialistes qui théorisaient sur les questions d'inflation, toujours dans ce souci un peu pédagogique de donner une réflexion à partir d'un vécu de gens pour que les autres s'en emparent de cette question, qu'est-ce que c'est que l'inflation, quels sont les phénomènes, qu'est-ce que ça représente économiquement. On ferait pas mal de faire ça sur les mesures d'austérité en ce moment. Voilà. Ensuite, on a beaucoup travaillé aussi avec les comités d'entreprise sur des questions de comment analyser, comment comprendre les outils de gestion des entreprises pour que les comités d'entreprise soient en capacité de contrôler la gestion de l'entreprise. Donc pour cela, comme pour l'inflation, on s'est adjoint des spécialistes. C'était à ce moment-là un groupe d'experts comptables qui s'appelait Syntex, mes camarades là le connaissent. Qui s'appelait Syntex. Donc c'était eux qui aidaient les comités d'entreprise, les syndicats intégrés dans les comités d'entreprise, à mieux comprendre les outils qu'on leur transmettait de la gestion de l'entreprise, pour pouvoir critiquer, pour pouvoir faire des commentaires opportun et cohérent. Donc on a fait aussi, ça s'appelait deux optiques, deux bilans, selon que ce soit le patronat qui parle du bilan, qu'est-ce qu'on peut dire, nous, du côté du monde ouvrier qui a participé à l'enrichissement de l'entreprise. J'ai parlé aussi tout à l'heure des techniques du bâtiment. On était aussi à ce moment-là dans le début de la remise en cause de ce qu'on appelait les métiers féminins et les métiers masculins. Donc, à ce moment-là, comme nous avions en plus dans notre groupe un artisan du bâtiment, on a commencé à travailler sur ces questions. À Toulouse, on avait créé une association, pas le même groupe, mais moi j'ai été aussi dans cette association, qui s'appelait Femmes et Bâtiments. Et donc avec ces femmes-là qui faisaient des formations pour les femmes dans les métiers du bâtiment, avec ces femmes-là, on a fait quelques films, mais là plutôt un Super 8. Il y a très peu de vidéos là-dessus. Là, on a fait plutôt un Super 8. De façon, j'ai un peu de vidéos aussi, mais je n'ai pas vérifié dans quel état c'est. Et ça doit être des rushs, mais peut-être qu'on pourra les revoir aussi. Je me souviens surtout des Super 8. Il y avait à ce moment-là, à Toulouse, une maison des enfants où ils avaient construit avec les enfants une maison en bois, des maisons en bois. Alors, il y avait de l'autoconstruction en bois. Dans l'Ariège aussi, il y avait beaucoup de constructions en bois, dans les bois, pas des tipis, mais des vraies maisons. Et donc, on a fait quelque chose là-dessus, surtout dans ce souci de remettre en cause les stéréotypes des choix professionnels féminins et masculins. C'était ça notre objectif principal, mais quand même avec toujours ce souci pédagogique de transmettre des techniques en même temps. Hein, voilà. Et puis, un dernier élément qui me semble important, c'est les questions de réflexion sur l'identité femme-homme. Alors là, j'ai plein de bandes, mais elles ne sont pas montées, sur des hommes qui parlent de qu'est-ce que c'est pour eux une identité d'homme. Alors ça, c'est Gilbert Martinelli qui l'avait mené, donc je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai les bandes, il faudra qu'on les regarde. Je pense que ça doit être assez intéressant parce que il y a eu peu de groupes d'hommes qui se sont organisés pour travailler à partir d'eux-mêmes sur l'identité masculine. Voilà. Et sur l'identité féminine, il y a donc balbutiement. Donc c'est quatre femmes féministes, quatre amies, qui nous nous sommes réunies pendant plus d'un an. Hein, ça a été long, ça a été assez long parce que c'était une introspection très personnelle sur le questionnement sur le rapport à notre mère. Est-ce que les garçons ont les mêmes rapports que les filles? Nous, avec tout un passage très poétique où on faisait des créations collectives, chacune apportant des phrases un peu comme dans, comment on appelle ça, vous savez, c'est les... Voilà, un peu comme les cadavres esquis. Et on a fait des choses que, encore aujourd'hui, je trouve très intéressantes. Hein, voilà. Parce que des fois, on trouve ça très intéressant sur le moment et après un peu moins. Mais, oui. Mais là, je trouve ça encore très intéressant. Donc, celui-là, on n'est pas parti tout seul non plus. Cette bande-là, elle a aussi été accompagnée. On l'a montré... à un groupe un peu aussi qui était dans l'antipsychiatrie à Toulouse, parce que Toulouse aussi a été un lieu de l'antipsychiatrie, des intellectuels toulousains et tout ça, qui nous en ont fait une remarque assez intéressante, mais qui ont apprécié. Effectivement, ils nous ont trouvé très enfermés, mais effectivement, quand on parle de soi, eh bien, on ne va pas chercher l'expression sociale à côté, quoi. Alors, comme nous étions... très reconnu et très identifié à un travail sur le social, sur l'économique, sur l'ouvrier, sur tout d'un coup une introspection personnelle par rapport à soi-même, ça apparaît un peu comme enfermant. Moi, je trouve pas, mais je vous le dis parce que c'est une remarque qui nous a été faite et elle m'est restée en mémoire très vivement. J'ai aussi après travaillé avec un autre groupe de femmes, on était trois, un Super 8 là. Également sur l'identité femme, ça je l'ai fait avec Anne Conant, que Hélène vous connaissez, voilà, Anne Conant, elle est devenue professionnelle, elle a fait une école de cinéma à Londres. Bon, mais au moment où on l'a fait, c'était pas le cas. On était toutes au même point, à la fois de formation et à la fois de capacité technique. Voilà. Je pense que c'est à peu près tous les domaines que je vous ai. Ah oui, j'ai oublié. Bon, on avait aussi des luttes collectives plus généralistes. Et il y a un exemple que je trouve intéressant, dont il n'y a pas de trace, mais il est quand même marrant. C'est que Chancel faisait une caravane dans les Pyrénées autour du Tour de France de vélo. Et alors, il a amené plein de monde, des caméramans, des machins. Comme il fait encore, c'est plus Chancel, c'est quelqu'un d'autre, mais il fait encore ça. Et il y avait tout le mouvement occitaniste, qui est assez fort à Toulouse, qui était très opposé à ça, parce que c'était... Ils nous abîment les Pyrénées, ils vont nous ramener n'importe qui, ils vont faire n'importe quoi dans les Pyrénées. Non seulement on veut rester au pays, mais on veut que le pays continue à être le nôtre et pas celui des autres. Enfin, ça, je le dis un peu à moquerie, mais bon. C'est le Paris-Dakar. Voilà, le Paris-Dakar. Et alors, trois intellectuels toulousains, très, très, très courageux, mais très peu compétents, sont partis jeter des cocktails Molotov sur le passage de Jacques Chancel. Mais malencontreusement, les cocktails Molotov leur ont éclaté à leur figure. Au lieu d'éclater la figure. C'est une chanson de Ferré. Et alors, le lendemain de cette histoire-là, j'ai reçu un coup de fil en me disant, est-ce que tu peux venir ça, c'est Argelès, pas Argelès-sur-Mer, Argelès dans les Pyrénées. Il va y avoir une fête de village, ça serait bien que tu viennes filmer parce qu'on a un projet sur le village. Ça, moi j'y vais, puis le mec qui me reçoit, il était tout brûlé, il avait des... Moi j'avais pas fait le lien, évidemment, j'avais pas fait le lien, sauf qu'une demi-heure après, il y a une copine qui arrive et qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, la vallée est complètement bloquée par les flics. Alors je dis, ah bon, mais pourquoi? Elle me dit, mais tu sais pas que tu es chez un mec qui a fait éclater le cocktail Molotov? Non, je savais pas, puis j'avais même pas imaginé que ça pouvait être. Et j'avais pas compris pourquoi il m'appelait, parce qu'en fait c'était pour ça que... Ce qui fait que je suis partie, j'avais juste pris quelques images de la fête, mais j'ai jamais pu rien en faire. Mais voilà, c'était aussi un des modes d'intervention à la demande sur un sujet brûlant, ce que voilà, c'était le cas de le dire. Bon, voilà. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Alors,